Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Voici maintenant la leçon 9. Notre phrase clé aujourd'hui est... Nanji kara desu ka? À partir de quelle heure? Le personnage principal de notre sketch est Anna, étudiante internationale originaire de Thaïlande. Aujourd'hui, le professeur Suzuki va faire une annonce en classe. Nous allons écouter maintenant le sketch de la leçon 9. La phrase clé est... Nanji kara desu ka? À partir de quelle heure? Ashita kenkou shindan ga arimasu. Nanji kara desu ka? Gozen 9 kara 11 ji made desu. Koko ni 8 ji han ni atsumatte kudasai. Laissez-moi vous expliquer le sketch. Le professeur Suzuki a dit Ashita kenkou shindan ga arimasu. Vous aurez un examen de santé demain. Littéralement, il y a un examen de santé demain. Ashita signifie demain. Kenkou shindan est la combinaison de kenkou santé et de shindan un examen. Na est la particule qui indique le sujet. Arimasu signifie il y a ou vous aurez. Vous pouvez employer arimasu au présent et au futur. Nous avons appris plus tôt que arimasu signifie il y a quelque chose, mais cela signifie également un événement aura lieu ou vous aurez un événement, n'est-ce pas? Oui. Anna dit Nanji kara desu ka? À partir de quelle heure? C'est la phrase clé du jour. Nan signifie quel et ji signifie heure. Ensemble, nanji signifie quelle heure. Kara de est une particule qui indique le début d'une période de temps ou d'un lieu. Des est un mot poli placé à la fin d'une phrase. Il est suivi de ka, une particule qui donne une forme interrogative à une phrase. Le professeur Suzuki répond Gozen 9 kara 11 ji made desu. Entre 9h et 11h du matin. Gozen signifie le matin. 9 signifie 9h. Il se compose du nombre 9, ku, et de ji, heure. Un suffixe indiquant une heure spécifique. Nous avons appris plus tôt que 9 se dit ku ou ku. Ne dit-on pas kuji? Non. Lorsque 9 est suivi de ji, on dit kuji. Également, on dit 4h ainsi. Yoji. Et non pas yonji. Ensuite, kara signifie à partir de. Comme je l'ai expliqué précédemment, c'est une particule qui indique un point de départ. 11時 signifie 11h. Made signifie à ou jusqu'à. C'est une particule qui indique le point final d'une période de temps ou d'un endroit. Des est un mot de politesse que l'on place à la fin d'une phrase. 11 se dit 11 et est composé de 10, 10 et de ichi, 1, n'est-ce pas? Donc 12 se dit 10ni. Une combinaison de « ju » et de « ni » de. C'est exact. Exerçons-nous à dire l'heure de 1h à midi. 1h. Ichiji. 2h. Niji. 3h. Sanji. 4h. Yoji. 5h. Goji. 6h. Rokuji. 7h. Shichiji. 8h. Hachiji. 9h. Kuji. 10h. Juji. 11h. 11時 midi 12時 Le professeur Suzuki poursuit ここに 8時半 に 集まって ください. Veuillez vous rassembler à cet endroit à 8h30. ここ signifie cet endroit ou ici. に est une particule qui indique un endroit. Vous connaissez déjà 8時 qui veut dire 8h. 半 signifie et demi. Ici, cela veut dire la demi d'une heure, c'est-à-dire 30 minutes. Hachiji, 8h, et han, une demi, devient 8h30 ou 8h30, n'est-ce pas? Oui, la particule ni, après 8h30, indique un moment précis dans le temps. Ni a plusieurs fonctions, n'est-ce pas? Oui, dans ce cas, atsumatte est la forme en T de atsumarimasu, se rassembler. Comme vous le savez, si vous y ajoutez kudasai, s'il vous plaît, cela devient atsumatte kudasai, s'il vous plaît, rassemblez-vous. C'est une façon de faire une demande. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 9. La phrase clé est... Nanji kara desu ka? À partir de quelle heure? 明日健康診断があります。 何時からですか？ 午前9時から11時までです。ここに8時半に集まってください。 Passons maintenant à notre rubrique intitulée Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui encore, nous avions la forme verbale en T. Nous avons appris que atsumalimas, se rassembler, devient atsumatte quand il prend la forme en T. Pourquoi ne devient-il pas atsumadite? Demandons à notre professeur. Dans la leçon précédente, vous avez appris la structure de base qui permet au verbe de la forme « mas » de prendre la forme en « t ». Il s'agit simplement de remplacer « mas » par « t ». Aujourd'hui, nous allons apprendre un autre modèle. Dans ce cas-ci, vous devez modifier non seulement « mas », mais aussi une syllabe placée devant. Si la syllabe devant « mas » est « ri », vous remplacez « ri » et « mas »,« rimas » par « t ». Ainsi, « atsumarimas », se rassembler devient « atsumatte ». Cette règle s'applique également quand la syllabe devant « mas » est « i » ou « chi ». Dans ce cas également, vous modifiez « i » ou « chi » et « mas » ensemble et utilisez la forme « t ». Si la syllabe devant « mas » est « mi »,« ni » ou « bi », vous remplacez la syllabe « mas » par « nde ». Par exemple, « yomimas », lire devient « yonde ». Nous allons utiliser une chanson pour nous aider à mémoriser cela. La chanson vous explique comment transformer les verbes de forme mas en verbes de forme t, selon la syllabe placée devant mas. Lorsque la syllabe est i, chi ou li, vous modifiez la syllabe et mas ensemble pour créer t. Si la syllabe devant mas est mi, ni ou bi, vous remplacez la syllabe et mas par nd. Chantez la chanson et mémorisez les règles. Maintenant, si la syllabe devant mas est ki, remplacez la syllabe et mas par ite. Ainsi, kikimas, écouter quelque chose, devient kite. Si la syllabe devant mas est gi, vous remplacez la syllabe et mas par ide. Ainsi, isogimas, se dépêcher, devient isoide. Ikimas, aller, est la seule exception à cette règle. Il devient ite. La chanson pour cette section est Nous allons maintenant écouter la chanson d'un bout à l'autre. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Les mots descriptifs des sons » qui vous permet de découvrir ces mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Guili guili. C'est la pluie? Non. Vous employez ce mot quand on vous pousse tellement à bout que vous ne disposez plus de temps ou que vous n'avez plus de marge. Vous pouvez aussi dire que vous êtes arrivé à temps. Guili guili. Quand vous êtes arrivé de justesse. Il existe un son similaire pour exprimer cela. Sre sre. Nous employons cela si nous avons presque dépassé nos limites. Si vous avez presque échoué un examen, vous pouvez dire « j'ai réussi l'examen ». Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons », aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir « Guili guili » et « Sre sre ». Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est la section « Les tweets » d'Anna. Au Japon, certains nombres sont synonymes de malchance. 4 se dit « shi » comme mort, 9 se dit « ku » comme pour souffrance. Ainsi, certains hôtels et hôpitaux ne disposent pas de chambres avec le nombre 4 ou 9. La leçon 9 vous a-t-elle plu? La phrase clé aujourd'hui était « Nanji kara desu ka ?» À partir de quelle heure? La prochaine fois, Anna passera un examen médical. Ne manquez pas notre prochaine leçon.